L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La formation des galaxies recèle décidément bien des mystères. Des astrophysiciens viennent d'observer dans l'univers, seulement âgé de 1,65 milliard d'années, une galaxie très massive à l'état quiescent, déjà complètement terminée, ne formant plus aucune étoile. L'observation de cette galaxie qui a mis 100 millions d'années pour se former pose de nombreuses questions aux spécialistes. Cette galaxie a une masse stellaire de 170 milliards de masses solaires. Les autres galaxies qui peuvent être observées à la même époque cosmique sont bien plus petites et en cours de production d'étoiles. Non seulement ZF Cosmos 2115 s'est formée apparemment très vite, mais elle s'est ensuite arrêtée brutalement. Les astronomes qualifient cette galaxie de « galaxie extrême » et on voit pourquoi. Cette observation est d'autant plus intéressante que c'est un véritable challenge de détecter ce type de galaxie très calme qui ne rayonne que très peu dans l'UV. Elles ne peuvent donc être observées que dans l'infrarouge lointain, le visible et l'infrarouge décalés eux-mêmes vers le rouge par la distance. Karl Glazebrook du Swinburne University of Technology en Australie et son équipe ont utilisé le télescope Keck à Hawaï pour étudier le spectre de ZF Cosmos 2115. Les données confirment cette distance, son redshift, et fournissent également une information capitale. La galaxie a stoppé sa formation d'étoiles entre 500 millions et 1 milliard d'années avant l'époque où elle est observée. Les chercheurs qui publient leur découverte dans Nature en déduisent que le taux de production d'étoiles dans ZF Cosmos 2115 a dû atteindre la valeur démente de 1000 étoiles par an, soit environ 3 par jour. Les galaxies typiques de cette époque cosmique montrent classiquement des taux de production d'étoiles de 100 par an. En d'autres termes, cette galaxie extrême a grossi jusqu'à sa taille actuelle en moins de 100 millions d'années, une étincelle à l'échelle de l'univers. Les astrophysiciens évoquent la possibilité que ZF Cosmos 2115 ait pu être aidé dans son grossissement par la collision avec une autre galaxie, ce qui aurait pu avoir pour effet de comprimer son gaz et déclencher des flambées de production d'étoiles, et en quelques dizaines de millions d'années seulement. Mais cette hypothèse est très peu probable selon les chercheurs. Les astronomes estiment que de tels événements à cette époque doivent être assez rares car les galaxies n'étaient pas encore massives. En effet, ce n'est que plus tard dans l'évolution cosmique que les galaxies subissent des fusions. Ce qui est sûr, c'est que les meilleurs modèles théoriques actuels décrivant la formation des galaxies ne produisent absolument pas ce genre de galaxies. Karl Glazebrook et ses collègues concluent avec euphémisme, que, je cite, « la formation précoce de tels systèmes implique que notre image de la formation des galaxies demanderait à être revue de façon substantielle. » Ah oui, messieurs les théoriciens, à vos crayons et à vos claviers maintenant. L'article de Karl Glazebrook et ses collaborateurs s'intitule « A Massive Quiescent Galaxy at a Redshift of 3.717 ». Il est paru dans Nature le 6 avril 2017. Voilà. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des galaxies très jeunes et très bizarres se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !